un charlatan. Прослушайте текст и скажите, что заставило доктора еще раз осмотреть больного. Le docteur Bernard est généraliste. Il a très peu de clients. Un jour, son infirmière lui annonce: Docteur Bernard, il y a un malade dans la salle d'attente. Donnez-lui le numéro 10 et faites-le entrer dans une demi-heure, dit le médecin. Il pense que j'ai beaucoup de travail. Enfin, le malade entre dans le cabinet du docteur Bernard. Qu'avez-vous, monsieur? J'ai toujours mal à la tête et je ne peux pas supporter la lumière du soleil. Je crois que je ne vais pas bien du tout. Le docteur examine sa langue et dit: Monsieur, je ne vais pas vous donner de médicaments. Je crois que vous vous reposez trop. Je vous conseille de faire de longues promenades tous les jours au lieu de dormir l'après-midi. Je ne peux pas supporter la lumière du soleil. Bien, alors promenez-vous le soir. Mais je marche déjà beaucoup. Très bien, mais il faut encore marcher. Mais docteur, mon travail. Si vous ne pouvez pas marcher autant, changez de travail. Mais docteur, si vous en savez plus que moi, pourquoi venez-vous me voir? À propos, que faites-vous? Êtes-vous ingénieur, avocat, vendeur? Non, monsieur, je suis gardien au Louvre et je fais le tour du musée 3 fois par nuit. Tirez la langue encore une fois, s'il vous plaît.